Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 8 mars avez-vous choisi ? Alors, le 8 mars 1974, nous sommes à 22 km au nord de Paris et le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, a fait le déplacement pour inaugurer un aéroport tout neuf, Roissy Charles de Gaulle. On le connaît bien maintenant, évidemment. Il était temps puisque les deux autres aéroports, Orly et Le Bourget, étaient complètement saturés. Et dites-moi, Franck, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement? Rien. Enfin, si, pardon. Une immense zone agricole. C'est d'ailleurs pourquoi on a choisi ce terrain. Sur les 3000 hectares nécessaires, il n'y a pratiquement pas de construction à détruire, si ce n'est quelques bâtiments de ferme. Ça ne veut pas dire que le projet ait été accepté tout de suite par les populations alentours, hein, loin de là. Une vive polémique oppose les pros et les anti. On a connu ça récemment avec l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Dites-moi, en combien de temps est-ce que l'aéroport est sorti de terre ? Il a fallu 8 ans de travaux pour le construire. Cet aéroport est tout à fait particulier. C'est un jeune architecte d'une trentaine d'années, Paul Andreu, qui a conçu l'aérogare un petit peu à l'image d'une étoile ou d'une pieuvre, comme vous voudrez, constituée d'un bâtiment central d'où partent 8 bras, 8 satellites avec à leur extrémité des salles d'embarquement. La mise en service officielle de l'aéroport commence 5 jours plus tard, le 13 mars, et c'est un Boeing 747 de la TWA venue de New York qui le premier se pose à Roissy Charles de Gaulle. C'est un événement très suivi. Oui, bien sûr. Cet aéroport est à l'époque une fierté française à la pointe de la technologie. C'est aussi un écrin pour Concorde. Ce 8 mars 1974, d'ailleurs, un prototype aux couleurs d'Air France est présent, superbe, posé sur le tarmac. C'est aussi en décollant de Charles de Gaulle qu'en juillet 2000, Concorde connaîtra, vous le savez, le terrible accident que nous n'avons pas oublié. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et oui, pour une heure entière consacrée en ce 8 mars, n'est-ce pas, aux premières femmes parlementaires de notre histoire.